ton HLM, tu te fais pas par désespoir. Avant de crever, tu gueules, je t'aime à cette jeune fille dans le miroir. Tu n'as même pas d'identité, tu es tout juste un numéro. Ta place n'est pas sur l'échiquier, tu es dans la marge, dans le caniveau. Pour les tocards, et les moutons sont bien gardés. Masturbation dans ton placard, petite cervelle anesthésiée. C'est tout ton corps un esclavage, c'est le travail qui te rend con. C'est la souffrance que tu partages avec tes frères dans ta prison. Ton hexagone est bien pourri, ton paradis est un enfer. Où s'entassent tous les vers de gris, bon Dieu c'est Saint et Lucifer. Avec tes frères au clair de lune, tu crèveras sur le pavé. Tu retrouveras la fosse commune où tous les chiens sont enterrés. Te shootes dans le noir, tu n'as rien d'autre que ton chagrin. Tu es bien seul sur le trottoir, où sont passés tous tes copains. Jojo le flambeur et sa guitare, Jimmy le mec aux yeux si bleus, Marlène la fille du premier soir, et toi le gavroche de la banlieue. Tu n'as pas eu ton overdose, le cœur broyé par ton destin. Tu es toujours en sinistrose, à 60 piges sur le chemin. Il n'y a pas de nostalgie, et ton histoire de rock'n'roll, c'est un voyage au bout de l'envie, c'est le tempo des années folles. Ton overdose, le cœur broyé par ton destin. Tu es toujours en sinistrose, à 60 piges sur le chemin. Il n'y a pas de nostalgie, ton histoire de rock'n'roll. C'est un voyage au bout de l'envie, c'est le tempo des années folles.